En ce 24 juillet, la bonne idée du jour avec les guides balado. Jean-Michel Maman, toujours à mes côtés. Ça y est, vous êtes bien installé avec nous. Comment ça va? Parfaitement. Là, on va prendre de la hauteur aujourd'hui. Ah oui, c'est ce que je vois. Oui, de la hauteur en Bretagne, précisément en Ille-et-Vilaine, à Dol de Bretagne pour les escalades de la paroi du Mont Dol. Voilà, tout est dit. Eh ben, on arrête alors. Non. Allez-y. Tout est résumé, mais c'est tout à fait ça. On part pour une séance d'escalade qui dure une heure ou plus. D'accord. Donc là, c'est un niveau de difficulté, on va dire, qui est à peu près moyen, qui est accessible quand même aux enfants. Dès l'âge de 6 ans, on peut y aller puisque c'est très sécurisé. Ah, c'est bien ça. Donc c'est assez sportif, il faut éviter aussi peut-être d'avoir le vertige. Mm-hmm. Et on fait l'ascension de l'une des parois du Mont Dol. On vous fournit le matériel. Il y a Frédéric qui est titulaire d'un brevet d'État qui vous encadre, qui s'occupe vraiment de vous. Qui vous assure, comme on dit aussi. Absolument. Donc, il vous fournit le matériel, les dégaines. Ce sont ces sangles terminées par des mousquetons. Il y a bien sûr le baudrier, les chaussons d'escalade, le casque, bien obligatoire. Et une fois équipé, vous apprenez les premiers gestes élémentaires, tous les gestes de sécurité, ce qu'il faut vraiment faire. Lorsqu'on grimpe, il faut se dire aussi qu'on n'est pas seul, surtout si on est en tête. Il faut aussi penser aux coéquipiers. Donc, face à la paroi, vous gagnez petit à petit de l'altitude. Et le Mont Dol, qui est une ancienne île granitique, s'y prête tout à fait. Donc, alors, quelle altitude? Alors, on culmine environ à 65 mètres au-dessus du marais. Ah oui, quand même. Donc, c'est déjà pas mal. Oui. Et de là-haut, le panorama est exceptionnel. Mais il faut juste pouvoir l'atteindre. Et voilà, c'est la récompense. Mais si les enfants peuvent le faire, on pense qu'on peut y arriver quand même. Oui, parfois, ils réussissent mieux que nous. Oui, c'est même logique. En général, ils sont plus dégourdis, plus souples. Nous, on n'a plus l'âge. Est-ce qu'on, alors, nous explique tout correctement, on assure bien nos prises. Qu'est-ce qu'on peut dire de d'autre? Est-ce que... Il y a la descente, après on redescend en rappel. Le rappel. Donc on est arrivé là-haut, on souffle quand même un petit moment, on profite du panorama et ensuite la descente, tout aussi sécurisée en rappel. C'est vraiment une expérience qui est assez unique et les professionnels font qu'ils s'adaptent au niveau de chacun. Ça, c'est important. C'est pas simplement réservé à une élite. Oui. C'est que les jours de beau temps ou on peut pratiquer Alors, ça se pratique de mai à septembre. C'est ouvert toute l'année sur réservation et ces séances dure de 1 à 3 heures, c'est franchement préférable de le faire par jour de beau temps. Bah oui, c'est clair, et surtout si on n'a qu'une heure. Le tarif alors pour ça, parce que l'escalade, c'est en général pas donné quand même. Bah là ça va, c'est 15 euros par personne. Ah bah je me suis fait avoir moi la dernière fois, c'est pour ça que je pratique plus depuis. Donc en Bretagne, allez escalader le Mont Dol, les parois du Mont Dol. Il est Vilaine, c'est à Dol de Bretagne, c'est à combien de kilomètres De Rennes, c'est à 70 km de Rennes, et donc ça va, c'est bien loin. Ça fait une belle balade en plus, les paysages sont fantastiques en Bretagne, comme on le rappelle régulièrement. Jean-Michel Maman, merci beaucoup. Un petit mot sur balado.fr, le site internet du guide, où on retrouve toutes ces informations. Voilà, on retrouve ces balades dans le guide Balado Bretagne, ainsi que sur balado.fr, mais également sur francebleu.com. Merci beaucoup Jean-Michel Maman, j'ai plus rien à dire, on vous retrouve demain.